Bismillahir Rahmanir Rahim. Nous allons voir la signification de l'unicité de la Seigneurie. Présentation de la signification de l'unicité de la Seigneurie et son approbation par les polythéistes. Le monothéisme dans sa signification générale. Il s'agit de la croyance en la particularisation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la Seigneurie, du dévouement de l'adoration à lui et de la confirmation de ses noms et attributs. Le monothéisme se subdivise donc en trois. L'unicité de la Seigneurie, l'unicité de la divinité et l'unicité des noms et attributs. Chaque catégorie a une signification qu'il faut clarifier afin de délimiter les différences qu'il y a entre elles. L'unicité de la Seigneurie consiste à affecter ses actes spécialement à Allah subhanahu wa ta'ala en ayant la conviction ferme qu'il est le seul, le créateur de toutes les créatures. Allah est le créateur de toutes choses. Sourate 39, verset 62. Qu'il est celui qui pourvoit à la subsistance de l'ensemble des bêtes, des humains et autres. Il n'y a point de bêtes sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Sourate 11, verset 6. Et qu'il est le maître de l'autorité, l'organisateur de toutes choses qui se passent dans l'univers entier. Il confie et destitue, honore et humilie, est capable de toutes choses, gère la nuit et le jour, donne et retire la vie. Dit. Ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux, le bien est en ta main, et tu es omnipotent. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et tu fais pénétrer le jour dans la nuit, et tu fais sortir le vivant du mort, et tu fais sortir le mort du vivant, et tu accordes attribution à qui tu veux, sans compter. Sourate 3, verset 26-27. Allah subhanahu wa ta'ala a nié avoir un associé dans l'autorité ou un assistant, tout comme il a nié avoir un associé dans la création et la survenance. Allah a dit, voilà la création d'Allah. Montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. Mais les injustes sont dans un égarement évident. Sourate 31, verset 11. Et il a dit aussi, ou quel est celui qui vous donnera votre subsistance, s'il s'arrête de fournir son attribution? Mais ils persistent dans leur insolence et dans leur répulsion. Sourate 67, verset 21. De même, il a proclamé son individualisation dans la souveraineté par rapport à l'ensemble de sa création. Il dit « Louange à Allah, Seigneur de l'univers ». Sourate 1, verset 2. Et il dit « Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. » Sourate 7, verset 54. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'ensemble de la création sur l'approbation de sa Seigneurie. Même les polythéistes, qui lui ont donné un associé dans l'adoration, lui reconnaissent l'individualisation dans la Seigneurie, comme le dit le Très-Haut. Dit, qui est le Seigneur des 7 cieux et le Seigneur du trône sublime? Ils diront, à Allah. Dit, ne craignez-vous donc pas? Dit, qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé? Dites si vous le savez. Ils diront, Allah. Dit, comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelé au point de ne pas croire en lui? Sourate 23, versets 86 à 89. Ce monothéisme n'est pas rejeté par un groupe précis d'êtres humains. Au contraire, les cœurs sont prédisposés à l'approuver, plus qu'ils ne le sont à approuver autre que lui parmi les créatures, comme Allah le dit à propos de ses messagers. Leurs messagers dirent, y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre? Sourate 14, verset 10. La personne la plus connue pour son ignorance simulée et sa négation feinte du Seigneur fut Pharaon, alors qu'il avait la certitude de son existence, comme lui dit d'ailleurs Moussa, alayhi salam. Il dit, tu sais fort bien que ces choses, les miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes. Sourate 17, verset 102. Et il dit à son propos et à propos de son peuple, ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes ils y croyaient avec certitude. Sourate 27, verset 14. De même, ceux qui renient le Seigneur de nos jours parmi les athées ne le renient que dans l'apparence, par entêtement. Autrement, en secret, ils ne peuvent que reconnaître qu'il n'est pas d'existant qui n'est pas d'auteur, qu'il n'est pas de créature qui n'est pas de créateur, et qu'il n'est pas de conséquence qui n'est pas de cause. Le Très-Haut dit, ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux les créateurs? Ou ont-ils créé les cieux et la terre? mais ils n'ont plutôt aucune conviction. Sourate 52, versets 35-36. Contemple l'univers entier, supérieur et inférieur, dans la totalité de ses parcelles, tu le trouveras attestant l'affirmation de son artisan, créateur et maître. Renier son artisan et l'abjurer dans les esprits et les instincts équivaut à renier la science et à l'abjurer, sans aucune différence, parce que la science exacte confirme l'existence du créateur. La négation de l'abjuration du Seigneur, desquels se vante l'athéisme de nos jours, n'est qu'à titre de refus de l'évidence et à titre d'expropriation de l'aboutissement des raisons et des pensées saines. Celui qui est dans ce cas aura infirmé sa raison et appelé les gens à le tourner en dérision. Le poète dit « Comment l'incrédule peut-il désobéir à Allah et l'abjurer, alors qu'en chaque chose il y a un signe qui prouve qu'il est unique ?» Le sens du terme « Seigneur ». Présentation de la signification du terme « Seigneur » « Arab » dans le Coran et la Sunna, et dans les conceptions des communautés égarées. Le sens du terme « Seigneur » dans le Coran et la Sunna. L'origine du terme. Il est le nom d'action du verbe « Arabba » qui, conjugué, donne « Yarobu ». Ce verbe signifie « former » ou « faire croître » quelque chose d'un état à un autre jusqu'à l'atteinte de l'état fini. On dit « Rabbanit, Rabbaou et Rababaou, il l'a fait croître. Le terme Rab est un nom d'action utilisé pour désigner celui qui fait l'action. De plus, le terme Rab n'est utilisé dans l'absolu qu'en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui se sert de toutes choses bénéfiques aux créatures. Par exemple, lorsqu'il dit Louange à Allah, Seigneur de l'univers, Sourate 1, verset 2. Ou encore, Votre Seigneur est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Sourate 26, verset 26. Ce terme est utilisé pour désigner autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'accompagné d'un complément qui limite la signification du terme. Par exemple, on dit « Rabbi al-Dar », le maître de la maison, et « Rabbi al-Faras », le propriétaire du cheval. Ici, le terme signifie « le propriétaire de ». C'est cette signification que l'on retrouve dans la parole du Très-Haut dans l'histoire de Yusuf alayhi salam. « Parle de moi auprès de ton maître. » Mais le diable fit qu'il oublia de rappeler le cas de Joseph à son maître. Sourate 12, verset 42. Selon un avis dans l'interprétation du verset, de même cette signification est retrouvée dans la parole du Très-Haut. Youssouf dit « Retourne auprès de ton maître » Sourate 12, verset 50. Ou encore « L'un de vous donnera du vin à boire à son maître » Sourate 12, verset 41. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit à propos des chameaux égarés « Jusqu'à ce que les retrouvent leurs propriétaires » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il apparaît clairement après ce qui a été dit que le terme Arab est utilisé, déterminé ou avec un complément pour désigner Allah subhanahu wa ta'ala. On dit Arab, le Seigneur, ou Rabbi al-Alamin, le Seigneur de l'univers, ou encore Rabbi al-Nas, le Seigneur des hommes. Ce terme, par ailleurs, n'est utilisé pour désigner autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala que suivi d'un complément comme Rabbi al-Dar, ou Rabbi al-Manzil, le maître de maison, et Rabbi al-Ibil, le propriétaire des chameaux. Le Seigneur des mondes, Rabbi al-Alamin, signifie leur créateur et maître, leur arrangeur et éducateur par ses bienfaits, par l'envoi de ses messagers et par la révélation de ses livres, et celui qui rétribuera les gens pour leurs actes. L'éminent savant Ibn al-Qayyim a dit « La seigneurie d'Allah implique le pouvoir d'injonction et d'interdiction sur les êtres humains, ainsi que le pouvoir de rétribuer les bienfaisants, parmi eux, pour leur bienfaisance et les malfaisants pour leur malfaisance. » Voir Madarij al-Sarikin, tome 1, page 8. Ceci est la réalité de la seigneurie d'Allah. Le sens du terme Arab dans les conceptions des communautés égarées. Allah subhanahu wa ta'ala crée les hommes prédisposés au monothéisme et à la connaissance du Seigneur, le Créateur. Allah dit Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Sourate 30, verset 30. Et il dit, Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, Mais si, nous en témoignons. Sourate 7, verset 172. Affirmer la seigneurie d'Allah et se tourner vers lui sont des actes innés, alors que le polythéisme est un événement casuel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en effet, Tout nouveau-né naît avec la prédisposition naturelle à l'islam. Ensuite, ses parents le rendent juif, chrétien ou mazdéen. Rapporté par El-Bukhari et Muslim. Si l'être humain avait été laissé à sa prédisposition naturelle, il se serait sans aucun doute tourné vers le monothéisme et aurait accepté l'appel des messagers contenus dans les livres sacrés révélés et prouvés à travers les signes cosmiques. Mais l'éducation dépravée et l'environnement athée sont les causes du changement de l'orientation du nouveau-né. Dès lors, les enfants imitent leurs parents dans l'égarement et la déviation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith Qudsi : J'ai créé mes serviteurs croyants, puis les diables les ont détournés. Rapporté par Ahmed et Muslim. C'est-à-dire, ils les ont détournés vers l'adoration des idoles et vers leur considération en tant que divinité autre qu'Allah. Ils tombèrent alors dans l'égarement et la perdition, la désunion et la divergence, chacun adoptant pour lui un dieu qu'il adore, différent de l'autre. La raison en est que lorsqu'ils abandonnèrent le véritable dieu, ils furent éprouvés par l'adoption de fausses divinités, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala. Tel est Allah, votre vrai Seigneur. Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc sinon l'égarement ? Sourate 10, verset 32. L'égarement n'a ni limite, ni fin, et il s'applique à tous ceux qui se détournent de leur véritable Dieu. Allah dit, qui est le meilleur ? Des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême ? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Sourate 12, verset 39-40. Le fait d'associer quelqu'un à Allah dans la seigneurie, en affirmant deux créateurs identiques dans leurs caractéristiques et leurs actes, est inconcevable. Seulement, certains polythéistes pensaient que leurs idoles possédaient certaines dispositions dans l'univers, et le diable s'est joué d'eux en leur faisant adorer ces idoles. Il s'est joué de chaque peuple à la mesure de leur raison. Il incita un groupe de gens à les adorer en vénération pour leurs morts, à l'image desquels les idoles étaient sculptées, comme c'était le cas du peuple de Noé, alayhi salam. Un autre groupe de gens adoptèrent des statues représentant les astres qui avaient, selon eux, une influence sur le monde. Pour cette raison, ils leur attribuèrent des demeures et des gardiens. De plus, ils divergèrent dans l'adoration de ces astres. Certains adorèrent le soleil, d'autres la lune, et d'autres encore des astres autres que le soleil et la lune, jusqu'à leur construire des sanctuaires. À chaque astre, un sanctuaire respectif. D'autres encore, les mazdéens, adorent le feu, et d'autres les vaches, comme les hindous, mais aussi les anges, les arbres et les pierres. Il y en a aussi qui adorent les tombes et les tombeaux, tout ceci parce que ces gens se sont imaginés que ces choses possédaient quelques-unes des particularités de la seigneurie. Il y en a qui prétendent que ces idoles représentent quelque chose d'absent. Ibn al-Qayyim a dit « À l'origine, on plaçait une statue à une image d'un être adoré absent. On modelait donc la statue sous sa forme, son apparence et son image, pour qu'elle prenne sa place et joue son rôle. Autrement, il est clair qu'un être doué de raison ne sculpte pas du bois ou de la pierre de ses propres mains, puis pense que c'est Dieu et l'adore. De même, les adorateurs des tombes, jadis et aujourd'hui, prétendent que ces morts intercèdent en leur faveur et interviennent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la satisfaction de leurs besoins. Ils disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah » Sourate 39, verset 3. Ou encore « Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter » et disent « Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah » Sourate 10, verset 18. D'autre part, certains polythéistes parmi les Arabes et les chrétiens s'imaginaient que leurs objets d'adoration étaient la progéniture d'Allah. Les polythéistes arabes adorèrent leurs anges en tant que filles d'Allah et les chrétiens adorèrent le Messie en tant que fils d'Allah. Réfutation de ces conceptions fausses. Allah subhanahu wa ta'ala réfuta la totalité de ces conceptions fausses par ce qui suit. Tout d'abord, il réfuta les adorateurs de statues par sa parole. Que vous en semble des divinités Lat et Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre. Sourate 53, versets 19 et 20. Le sens de ces versets est comme l'a dit Al-Qurtubi. Avez-vous vu ces divinités? Ont-elles apporté un quelconque bien ou un quelconque mal pour être des associés à Allah? Se sont-elles défendues lorsque le prophète et ses compagnons, qu'Allah les agrée, les démolir? Allah dit, et récite-leur la nouvelle d'Abraham. Quand il dit à son père et à son peuple, « Qu'adorez-vous ? » Ils dirent, « Nous adorons des idoles, et nous leur restons attachés. » Il dit, « Vous entendent-elles lorsque vous les appelez ? Vous profitent-elles ou vous nuisent-elles ? » Ils dirent, « Non, mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. » Sourate 26, versets 69 à 74. Ils ont donc admis que ces statues n'entendent pas l'appel et n'apportent ni le bien ni le mal. Ils ne les adorèrent que par imitation aveugle, qui est un argument vain. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala réfuta ceux qui adorèrent les astres, le soleil et la lune par sa parole. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles soumis à son commandement. Sourate 7, verset 54. Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Sourate 41, verset 37. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala réfuta ceux qui adorent les anges et le Messie, en tant que progéniture d'Allah par sa parole. Allah ne s'est point attribué d'enfant. Sourate 23, verset 91. Également par sa parole, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? Sourate 6, verset 101. Et sa parole, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Sourate 112, verset 3-4. L'unicité de la Seigneurie implique l'unicité de la divinité. Présentation de l'indispensabilité de l'unicité de la Seigneurie à l'unicité de la divinité. Démonstration que l'unicité de la Seigneurie implique celle de la divinité. Cela signifie que quiconque reconnaît l'unicité de la Seigneurie, qu'il n'y a nul créateur, ni pouvoyeur, ni ordonnateur de l'univers en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, se doit de concéder que nul n'a le droit à l'adoration sous quelque forme que ce soit, si ce n'est Allah. Ceci est l'unicité de la divinité, et la divinité en arabe, l'adoration. En effet, le sens du terme Al-Illah, Dieu, celui qui est adoré, Al-Mahboud. L'invocation et l'imploration du secours ne doivent être dirigées que vers Allah. De même, il ne faut placer sa confiance qu'en lui, immoler les bêtes et formuler les vœux que pour lui. Et enfin, il ne faut vouer l'adoration qu'à lui. L'unicité de la Seigneurie démontre le caractère obligatoire de l'unicité de la divinité. C'est pourquoi, à maintes reprises, Allah réplique à ceux qui nient l'unicité de la divinité en prenant comme argument le fait qu'ils reconnaissent l'unicité de la Seigneurie, comme dans le verset suivant. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Sourate 2, verset 21-22. Il leur a enjoint de croire en l'unicité de la divinité, qui est son adoration à avancer. Comme argument, l'unicité de la Seigneurie, qui est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé tous les hommes, du premier au dernier, ainsi que le ciel et la terre, et ce qui s'y trouve. De même, c'est lui qui dirige les vents, fait tomber la pluie, pousser les végétaux, et sortir les fruits qui servent de subsistance aux hommes. Il ne leur convient donc pas de lui donner des associés dans l'adoration, alors qu'ils savent très bien que ces derniers n'ont rien fait de tout cela ou d'autre. La voie naturelle pour établir l'unicité de la divinité est de la déduire de l'unicité de la Seigneurie. En effet, l'humain se rattache tout d'abord à ce qui est à l'origine de sa création, et qui a la capacité de lui être bénéfique ou de lui nuire. Ensuite, il passe aux moyens qui peuvent le rapprocher de lui, lui faire acquérir son agrément et consolider le lien entre eux. L'unicité de la Seigneurie est donc la porte vers l'unicité de la divinité. C'est pour cela qu'Allah s'est basé sur cet argument pour réfuter les polythéistes et a ordonné à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, de faire de même. Allah dit, à qui appartient la terre et ceux qui y sont, si vous saviez? Ils diront, à Allah. Dit, vous ne vous souvenez-vous donc pas? Dit, qui est le seigneur des sept cieux et le seigneur du trône sublime? Ils diront, ils appartiennent à Allah. Dit, ne craignez-vous donc pas? Dit, qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses, et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé? Dites si vous le savez. Ils diront, Allah. Dit, comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés au point de ne pas croire en lui? Sourate 23, versets 84 à 89. Il dit également, voilà Allah, votre Seigneur, il n'y a de divinité que lui, créateur de tout. Adorez-le donc. Sourate 6, verset 102. Il a argué de son unicité dans la Seigneurie pour établir son droit unique à l'adoration. L'unicité de la divinité est la raison pour laquelle il a créé la création. Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate 51, verset 56. Le sens de « il m'adore » est « qu'il me voue un culte exclusif ». Le serviteur n'est pas considéré comme monothéiste par le simple fait qu'il reconnaît l'unicité de la Seigneurie, et ce jusqu'à ce qu'il accepte l'unicité de la divinité et s'y conforme. Les polythéistes eux-mêmes reconnaissaient l'unicité de la Seigneurie, ce qui n'en a pas fait des musulmans pour autant. De plus, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les a combattus, alors qu'ils admettaient qu'Allah était le créateur, le pourvoyeur, celui qui donne la vie et la mort. Comme le dit Allah, Et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement Allah. Comment se fait-il donc qu'ils se détournent ? Sourate 43, verset 87. Dis, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre ? Qui détient l'ouïe et la vue ? Et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant ? Et qui administre tout ? Ils diront Allah. Dis alors, ne le craignez-vous donc pas ? Sourate 10, verset 31. Et cela revient de nombreuses reprises dans le Coran. Celui qui soutient que le monothéisme est la simple reconnaissance de l'existence d'Allah, ou qu'il est le créateur, l'ordonnateur de l'univers, celui-là ne connaît pas la réalité du monothéisme auquel ont appelé les messagers, parce qu'il s'est arrêté au signifiant et a délaissé le signifié. Parmi les caractéristiques de la divinité, il y a la perfection absolue, sous tous ses aspects, ce qui implique que toute adoration lui soit entièrement vouée. La vénération, la glorification, la crainte, l'invocation, l'espoir, le repentir, la confiance, la demande de secours, l'humilité extrême accompagnée de l'amour extrême. Tout cela doit rationnellement, religieusement et naturellement revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Seul, il est inconcevable, de même que cela soit voué à un autre que lui. Et Allahu a'lam.